Deuxième fragment sonore, son de la crique ouest du sang, dite crique bleue, entendu depuis le sixième niveau du 90 de la galerie de l'Arlequin.